الله ثم الصلاة والسلام على مبعوث رحمة للأنام نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد فنواصل بإذن الله تبارك وتعالى في قراءة فضل رب البرية بشرح ضرر البهية فنحن ما زلنا في كتاب النكاح وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما إنه تبارك وتعالى على كل شيء قدير. Donc nous continuons par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la lecture du livre Fadlu Rabbil Bariya qui est l'explication du Cheikh Ali Ramli de Duraru al-Bahiyya et l'imam Shawkani. Et nous sommes toujours dans le chapitre du mariage. Et dans notre dernier cours, nous avons traité le sujet des chourouts du nikah, les conditions du mariage. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit la nikah illa bi wali. Nous avons parlé de cela. Il n'y a pas de mariage qu'avec la présence d'un tuteur. Et nous avons vu al-wilaya et les conditions du wali. Ça va, le tuteur, qui doit être tuteur. Et quelles sont les conditions qu'il doit remplir? Nous avons vu cela. Et nous avons vu aussi que le wali est obligatoire. Que ce soit pour une bikra ou bien pour une femme qui a déjà connu le mariage. Et nous avons montré que ceux parmi les savants qui disent que on n'a pas besoin du wali pour le nikah sont les Hanafiya. Et la parole n'est basée sur aucune preuve. Voyez. Donc, ce dont il y a preuve dessus, c'est la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, la nikaha illa bi waliyin. Il n'y a pas de mariage qu'avec la présence du wali. Wa shahidaini. Et deux témoins. Alors ici, aujourd'hui nous allons traiter le sujet des deux témoins. Les deux témoins, est-ce que les deux témoins sont réellement une condition pour le mariage ou ne sont pas une condition? Alors c'est ce que nous allons voir ici. Voyez. قوله وشاهدين. Sa parole, les deux témoins. Alors le Cheikh Ali Ramli, il dit انتقلنا إلى مسألة الشهادة. Alors nous venons maintenant, c'est-à-dire nous avons laissé l'autre masala qui est la wilaya. Nous venons maintenant sur la masala, le sujet du témoignage. هل وجود الشاهدين في النكاح شرط لصحة النكاح أم لا؟ Est-ce que la présence des deux témoins est une condition pour la validité du mariage ou ce n'est pas une condition? Voici la question que pose le Cheikh Ali. Il va répondre à cette question bina'an ala qawl al-mu'allif. Si on se base sur la parole de l'auteur du livre, qui est qui? L'imam Shawkani. Non. Donc si on se base sur sa parole, oui. Les deux témoins sont une condition. Liannahu qal, parce qu'il a dit, la nikaha illa bi waliyin wa shahidayn. C'est la parole de l'imam Shawkani. La nikaha illa bi waliyin wa shahidayn. Il n'y a pas de mariage qu'avec la présence d'un wali et des témoins. Mais ici, wa shahidayn. Shahidayn. Hadhihi ziyada wa shahidayn. Cet ajout qui vient dans ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'on a vu le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit « La nikaha illa bi waliyin wa shahidayn adli » Des témoins équitables. Donc, est-ce que cette ziyada qui vient dans ce hadith-là « La nikaha illa bi wali » وجاءت في بعض الروايات سيبلي dans certaines riwayats لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. Il n'y a pas de mariage qu'avec un wali et deux témoins équitables. Alors cette riwaya est rapportée par l'imam Ibn Hibban et Dharqutni ainsi que l'imam Bayhaqi. Le hadith de Aisha رضي الله تعالى عنها. Lakin ici, cette ziyada, cet ajout-là, wa shahidayn ad, la tasih, ce n'est pas authentique. Wa sahih, ce qui est correct, annaha da'ifa. Dans cette riwaya, l'ajout, on parle ici de l'ajout. La nikaha illa bi wali, ça c'est authentique. Mais l'ajout, parce que ce qui est authentique, la nikah illa bi wali, ça vient dans certains riwayas simplement de cette manière. Et dans les riwayas dans lesquels ça vient de cette manière, simplement de cette manière, la nikah illa bi wali, ces riwayas-là sont authentiques. Mais les riwayas, les versions où ça vient, wa shahidayn adl, alors ces versions-là ne sont pas authentiques. Ça va? C'est ce qu'a dit le cheikh Ali Rami ici. Et il a dit As-Sahihu Fakat, ce qui est authentique seulement, la nikaha illa bi wali. La nikaha illa bi wali. Il n'y a de mariage qu'avec un tuteur. وقد اختلف العلماء في حكم الإشهاد في النكاح. Les savants se sont divergés au sujet du jugement du témoignage dans le mariage. فجعل بعضهم ذلك شرطا. Certains ont mis cela comme une condition du mariage. كما هو الظاهر كلام المؤلف رحمه الله. Comme ce qui est apparent ici de la parole de l'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde. والبعض جعل الشرط. Et c'est donc mis comme condition الإعلان, l'annonce. وليس الإشهاد. Mais ce n'est pas le témoignage. Nous avons dit, il suffit seulement d'annoncer. Et le témoignage n'est pas une condition. Mais d'autres ont dit, la présence des deux témoins est une condition. Ok? Donc, ceux qui disent, l'annonce, c'est ce qui est la condition, pour eux, Fabi Moudjar a dit, Le simple fait qu'on annonce le mariage, yakunu sahihan. Le mariage devient correct. Et le cheikh Ali Romli, il va dire sahih, c'est qui est authentique, ma qalahu Ibn al-Munzir. C'est que Ibn Munzir, rahimahullah, il a dit ici. Ibn Munzir, rahimahullah, il dit wa laysa yasbutu 'ani an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fi ithbat ash-shahidayn fi an-nikah khabar. Alors il dit laysa yasbutu ne vient pas de manière authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet des deux témoins. Aucune information ne vient authentique du professeur Asram à ce sujet. Il l'a sauf hadith mursal. Un hadith qui est mursal. Un hadith qui ne remonte pas jusqu'au professeur Asram. Ça va? Le hadith mursal, c'est un hadith qui est rapporté par un tabi'i. Donc, asqata fihi sahabi. Il a fait tomber un sahabi. Il dit, qala rasoul. Alors que, il n'a pas vu le professeur. Tayyib, adamana mursal. Donc, le hadith mursal est venu anil Hassan. D'après Hassan, anil Nabi sallallahu alayhi wa sallam fi isbati shahide. Ici, celui qui a rapporté de Hassan, pourquoi? Ici, c'est Mursal. Parce qu'il n'a pas vu Hassan. Voyez? Donc, c'est comme Asqatahuna Ahad. Il a fait tomber quelqu'un ici. Donc, Yakuno Adal Hadith, qui vient de Hassan Anin Nabi Sazan fi Isbati Shahideh, qui vient affirmer les deux témoins, La Takhumu Bil Hujjah. Alors, on ne peut pas dresser l'argument avec cela. وَلَمْ يَرْفَعُهُ أَكْثَرُهُمْ. Beaucoup d'entre ceux qui ont rapporté ce hadith ne l'ont pas levé jusqu'au professeur Hassan. يَعْنِ أَكْثَرُ الْمُحَدِّثِينَ أَوْ الرُّوَاتِ. La majorité des muhadithines ou des rapporteurs, الَّذِينَ رَوَوْا الْحَدِيثِ, qui ont rapporté le hadith, لَمْ يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِي صلى الله عليه وسلم. Ils n'ont pas ramené cela jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voyez? Donc, ici, al-hadithu, hadhi ziyada da'ifa wa shahidai adl. Les deux témoins. Cette ziyada est da'ifa. Et après, je vais vous lire ce que j'ai vu dans Mughni de l'imam Ibn Qudam concernant cette masala. Mais je vais vous lire déjà ce que le cheikh Ali Rami a dit ici. Voyez, Paul. Et il dit, c'est-à-dire l'imam Ibn Mundir. Il dit, وَإِيَّاوُ الشُّهُودُ فِي أَقْدِ النِّكَاحِ. Rendre obligatoire les témoins dans le contrat du mariage, إِيَّاوُ فَرْضٌ. C'est quelque chose qui est obligatoire, qu'on rend obligatoire ici. وَالْفَرَائِدُ. Et les obligations, لَا يَجُوزُ إِيَّاوُهَا إِلَّا بِحُجَّةٍ. Ça va, Mona? C'est-à-dire, les obligations, on ne va pas exiger cela qu'avec un argument. Wala hujjata. Et il n'y a pas de preuve d'argument. Ma'aman awjaba shahidaini inda aqdin nikah. Il n'y a pas de preuve avec celui qui a rendu obligatoire les deux témoins lors du contrat du mariage. Aïm donc, قال, il dit, والدليل, là où se trouve la preuve, à la صحت النكاح, qui montre que le mariage est correct, من غير شهود, sans témoin, c'est le hadith de Anas. رضي الله تعالى عنه قال Anas, ce hadith vient dans plusieurs riwayas. Je vais vous lire le reste des riwayas. Voyez. Il dit, Kuntu radifa Abi Talha Yawma Khaybar. Maman radif. Derrière une monture. Donc j'étais assis derrière une monture. Derrière qui? Abu Talha. Ici qui parle? Anas ibn Malik. Qala, Anas dit, wa waqa'at fi sahmi dahiya jariyatan jamila. Sahmi ici c'est nasib. À Khaybar, lorsque ils ont gagné cette bataille, sur Banu Nadir et Khouraïza, ils sont les Yahouds. Alors, ce jour-là, ils ont pris beaucoup de captifs. Parmi les femmes. Donc, Abu Dahiya, il a eu comme part une belle femme, Jariya. فاشتراها رسول الله et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam l'a acheté de Dahiya بسبعتي أروس il a acheté بسبعتي أروس أروس c'est رأسون رؤوس cinq personnes à la place de sept Jariya. C'est-à-dire, il lui donne cinq esclaves. Et sept esclaves. À la place de sept Jariya. Voyez. Faja'ala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam walimataha at-tamr. Il a fait de la walima de cette dernière le tamr wal-aqib, qui est labanun jamid. C'est-à-dire le lait fermenté. Wassam, qui est tout ce qui est gras, les pâtes. Waqala an-nas, ma nadri atazawwajaha am ja'alaha umma walad. On ne sait pas. Est-ce qu'il a marié cette femme ou bien il a gardé comme une esclave qui va faire des enfants pour lui. هذا معنى أمة ولا طيب ولقب يطلق على الأمة بعد أن تلد من سيدها c'est un surnom qu'on met sur l'ama afwan l'esclave après qu'elle ait accouché de son maître أمة ولا طيب. Donc les gens se sont posé la question, est-ce que le prophète sallam a marié cette dernière ou bien il a rendu seulement esclave qui va faire des enfants pour lui. Maintenant, faqalu, ils se sont dit maintenant, in hajabaha, s'il a fait porter le hijab à cette dernière, fayyamra'atu, alors c'est sa femme. وَإِنْ لَمْ يَحْجُبَهَا mais si n'a pas fait porter le hijab à cette dernière faya umwana elle reste comme une esclave qui va faire des enfants فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكَبُ lorsqu'il a voulu monter hajabaha il a voulu la faire monter sur une monture il a fait porter le hijab, hatta qa'adat ala ajzil ba'ir, jusqu'à ce qu'elle s'assit derrière ajzil ba'ir, c'est khalf al ba'ir, derrière la chamelle. Qala fa'arafu. Alors maintenant, Anas dit, ils ont su en ce moment annahu tazawwaja, qu'il l'a marié. Tayyib. Alors je vais venir avec d'autres riwayas qui viennent dans Sahih Muslim, ainsi que Abu Daoud et autres. Tayyib. On va lire cela ensemble. Toujours de Anas bin Malik, radiallahu ta'ala anhu. Il dit, an Anas bin Malik, an Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, ghaza khaybara. C'est-à-dire, il a fait la ghazwa, il est rentré, il a envoyé khaybara. Fasallayna, indaha salat al-ghada bi ghalasin. Et de nous avons prié là-bas, la prière du matin. Bighalasin. Bighalas, bimana dans le noir. Zulmatu akhri layl, on appelle ça ghalas. Fayyib. Farakiba nabiyu sallallahu alayhi wa sallam. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est monté sur sa monture. Warakiba Abu Talha. Abu Talha est monté. Wana radif Abi Talha. Et moi j'étais derrière Abu Talha. طيب فأجر النبي صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر إلى مساجد الله صلى الله عليه وسلم a parcouru les petits endroits, c'est-à-dire زقاق, c'est les petits coins, les petites voies qui sont dans خيبر. Il a parcouru cela. وإن ركبتي, et mon genou, la تمس فخذ النبي. C'est-à-dire, mon genou touchait la cuisse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Summa hasara l'iza an fakhizi. Ensuite, il a levé le iza de sa cuisse. Hatta inni andur ila bayadi fakhizi nabiyillah sallallahu alayhi wa sallam. Jusqu'à ce que moi, Anas, je regardais la blancheur de la cuisse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. طيب فلما دخل القرية lorsqu'il est rentré maintenant dans le village de Khaybar, قال الله أكبر. Il a dit الله أكبر. خربت خيبر. خيبر est démoli. إنا إذا نزلنا بساحة قوم. Si nous descendons sur le territoire d'un peuple, فساء صباح المنذرين. Alors, le matin de ceux qu'on vient avertir devient désagréable. Leur journée, leur matin devient désagréable. Qalaha salasan. Il a dit cela trois fois. Qala wa kharaj al-qawm ila a'malihim. Les gens sont sortis pour aller travailler. Faqala Muhammad. Ils ont dit, voici Muhammad. Faqala ba'du ashabina. Et certains de nos compagnons, wal khamis, yani al jais, ils ont dit, fa asobnaha onwatan. On les a conquéris, qahratan wa ghalaba. On a eu la force sur eux. Fa jumi as-sabyu. Ils ont rassemblé les captifs, ceux qu'ils ont pris dans la bataille. Fa jaa dihyatu. Et dihya est venu, fa qala ya nabi Allah. Il dit, ô prophète d'Allah, atini jariyata min as-sabi. Dihya, il a dit, ô prophète d'Allah, donne-moi une femme. Jariya, ce sont les femmes qui ont été capturées comme esclaves. Alors, justement, jariya, ce n'est pas forcément une petite fille. Voyez. Donc, il a dit, donne-moi une jariya parmi les captifs. Faqala nabiyullah, et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, idhab fakhuz jariyatan. Il dit, va et prends une esclave. Fa akhadha Safiyyah bint Huyay. Et il a pris Safiya. Dihya, il a pris Safiya. Bintu Huyay. Sayyidata Qurayza wa Nadir. Bani Qurayza et Bani Nadir. Elle est leur maître, c'est-à-dire elle était peut-être l'épouse de leur chef. Tayyib. Donc, un compagnon Fadja a rajoulé le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Un compagnon est venu directement voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, Ya Nabi Allah, ô prophète d'Allah, atoyta dihyata sofiyata, tu as donné à Dihya. Dihya, c'est un compagnon. Tu l'as donné Sofiya. Wa Sofiya innaha mar'atun jamila. Une belle femme. Et le compagnon, il a dit au professeur Assam, la tasduhu illa lak. Cette femme ne peut être que pour toi. قال للبروفيسور صلى الله عليه وسلم دي ادعوه بها appelez le نقاري بني avec elle فجاء بها il est revenu avec elle فلما نظر اليها النبي et lorsque le professeur صلى الله عليه وسلم a regardé صفية قال il a dit à دحية خذ جارية من السبي غيرها. Prends une autre femme et laisse-la. Qala fa'ataqaha an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam l'a affranchi wa tazawwajaha. Il a marié Sofiya. Qui est Sofiya bint Huyay, qui est l'épouse, la mère des croyants. Allahu Akbar. Quelle noblesse Allah a accordé à cette femme-là. فَقَالَ لَهُ سَابِدْ يَا أَبَا حَمْزَ مَا أَصْدَقَهَا قَالَ نَفْسُهَا أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا. Il dit, comment il a eu la, comment il a eu la chance, يَا أَبَا حَمْزَ. أَبَا حَمْزَ, c'est Anas. Comme il a eu la chance. Il a, elle était esclave, il a franchi et il a marié, elle est devenue quoi? Mère des croyants. Hatta il a qu'un habit tariq, donc lorsqu'ils sont quittés à Khaybar, lorsqu'ils étaient sur la voie, jahazat ha lahu Umm Sulaym a bien préparé Sofiya. Quand on dit préparé, ça veut dire la maquiller, la prêter, fa ahdatha lahu min al-layl. Elle a amené Umm Sulaym, qui est la mère de Anas ibn Malik. Elle a amené Sofiya maintenant pour donner au professeur sallam la nuit. Fa asbaha an-nabi sallallahu alayhi wa sallam arusan. Et le professeur sallam était dans la noce depuis ce jour. فقال من كان عنده شيء الى ديك celui qui a quelque chose فليجئ به qu'il vienne avec وبسط نطفا الى étalé un pan فجعل الرجل يجيء بالتمر. D'autres personnes venaient avec le tamr, il veut faire sa walima. وجعل الرجل يجيء بالسمن. D'autres personnes venaient avec des pâtes. قال واحسبه قد ذكر السويق. Et je pense qu'ils ont mentionné aussi la farine. Hein? Fahasu haysan. Yani ils ont mélangé des choses. Fakanat walimatu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Et c'était la walima du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Qala ibn Munzir. Donc ibn Munzir il dit ici, fabi hadha al hadith. Dans ce hadith, il a stadalla man hadara Rasulullah ala tazwiji Safiya bil hijab. Ici, dans la première riwaya qu'on a vue, ils ont argumenté le mariage du prophète Rasam par quoi? Par le fait qu'il va porter le hijab à Safiya. N'est-ce pas? Donc, dalilun, c'est une preuve à la ijazati nikah bi ghayri shuhud. Que le mariage est permis sans témoin. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris des témoins? Akana huna shuhud? Est-ce qu'il y a eu des témoins? Là. Il n'y a pas eu de témoin. Il a fait ce mariage bidoun et shuhud. N'est-ce pas? Fayyib. Ah, ici, on regarde bien. Annahum lam ya'lamu. Ils n'ont pas su. Annahu tazawaja illa bil hijab. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a marié Sophia que par le fait qu'il a porté le hijab à Sophia. Fayyib. ولو كان وجود الشهود في النكاح شرطا si la présence des témoins était une condition la ashhad an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ala zawaji hada le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait prendre des témoins sur ce mariage qui est son mariage tayyib wa alimu zalika min ash-shuhud et on sera cela des témoins. قال et aussi la deuxième preuve. وفي نكاح أبي بكر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة dans le fait aussi que Abu Bakr a donné Aïcha au messager d'Allah صلى الله عليه وسلم en mariage. دليل على ذلك. C'est une preuve aussi pour cela. لماذا؟ إن لا نعلم في شيء من الأخبار أن شاهدا حضر عقد ذلك النكاح. On ne connaît pas de preuve qui vient nous montrer que un seul témoin a assisté à ce mariage de Aïcha et le prophète Rasoul. هذا دليل آخر. C'est une preuve. À la sihhat al-nikah min ghayri shuhud qui montre le caractère correct des mariages sans témoins. Wa huwa alladhi namilu ilayhi. Et le cheikh Ali Rami dit voilà ce vers quoi nous nous penchons. Bi adami wujud al-dalil. Par le manque de présence de preuves, yusbitu wujud au shartiyat al-shahidain qui vient affirmer l'obligation ou bien la condition des deux témoins. La shakka anna wujud ash-shuhud et il n'y a pas de doute que la présence des deux témoins afdol wa ahsan est meilleur wa ilan nikah aidan afdol wa ahsan annoncer aussi le mariage est meilleur lakin an naj'ala dhalika shartan on place cela comme une condition wa nalzamu bihi al-ibad et on exige cela aux créatures hadha yahtaju ila dalil qawiy ala dhalika wallahu a'lam alors cela a besoin d'une preuve solide si cela wallahu a'lam wadih amla alors nous avons la compréhension on va lire ce qu'a dit l'imam Ibn Qudama dans Al-Mughni. Tayyib, si on se base déjà sur la parole du Cheikh Ali Rami ici, et puis de l'imam Ibn Mundir, on voit clairement que Yakfi li rajul, il suffit seulement qu'un homme dise à un homme, peut-être même sur la route, et lui dit, je te donne ma fille en mariage, voilà la dot, et puis khalas, le mariage est scellé. Non. Hein? C'est pas facile, hein? C'est la charia. Hein? Chaque fois que le mariage est facile, ça devient encore plus. Ça diminue la zina. N'est-ce pas? Hein? Si par exemple le tuteur il vient, il dit à une personne, il dit bon, il monte d'abord. Hein? Ah. Vous voulez que je prononce quelque chose quoi? Je n'ai rien dit. Moi. Bon, c'est bon, c'est bon. Laisse-moi faire mon coup. Non. Donc, ici, il faut comprendre que pour que le mariage soit acquis, soit vraiment un mariage, selon ce que Ibn Mundhir a dit ici, il dit seulement que ta fille donne son accord. Mazalan dit à ta fille, par exemple, je veux te donner à telle personne. Et que ta fille dit, il n'y a pas de problème. Son accord est déjà donné. Et tu vois cette personne, tu demandes même à ta fille, tu veux quoi comme dot? Elle dit, bon, je veux telle. Ok. Tu vas lui voir, puis tu lui dis, tu lui proposes ta fille. Il dit, ah, ok, il a accepté. Tu lui dis, ok, voilà telle dot que tu dois donner. Il peut directement aller chercher sa femme. Dans la charia. Non. Il peut directement aller chercher sa femme et puis tu annonces maintenant. Tu annonces, ça va, que se sont mariés. Parce qu'il ne voudrait pas que les gens pensent de la zina. Amr nikah fi l'islam. Amr sahad. C'est très facile. Ok, on va lire ici la parole d'Ibn Qudama. Ibn Qudama, il dit, d'abord, premièrement, il va porter la parole de ceux qui disent que la yan akidu illa bishahide. Le mariage ne sera effectif que par deux témoins. Il envoie la parole de ceux-là. An Ahmad, c'est une riwaya qui vient de l'imam Ahmad. Wa ruya zalika an Omar. C'est rapporté aussi de Omar. Wa Ali. De Ali ibn Abi Talib. Wa huwa qawli ibn Abbas. Et c'est la parole d'Ibn Abbas. Wa Saïd ibn Musayyib. Jabir ibn Zayd. Al-Hassan. Yani Hassan al-Basri. Wa Nakhai. Ibrahim al-Nakhai. Wa Qatada. Wa Thawri. والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي. طيب. Donc tout cela ils ont dit que le mariage. La nazru il al kasra. On va pas regarder beaucoup de personnes qui ont validé ce côté. Mais on va regarder la preuve. Ça va? On va regarder la preuve. Donc voici tous ceux qui sont d'avis que il est obligatoire de venir avec deux témoins. Ça va? Mais ce que nous gens font ici, deux témoins du côté de l'homme, deux témoins du côté de la femme, ça n'existe même pas dans les textes. Quatre témoins. Azarounou. Ça c'est l'exagération. Ça va? Deux témoins du côté de l'homme, on dit deux témoins. Deux témoins, mais on est en train de faire débat dessus. Vous en voyez quatre. Hein? Toi, ici. Voilà ceux qui ont dit l'obligation de deux témoins. On revient sur leur nom. L'imam Ahmad, Omar, Ali, Ibn Abbas, Saïd ibn Musayyib, Jabir ibn Zayd, Hassan al-Basri, Ibrahim al-Nakhai, Qatada, al-Sawri, Sawriman, Sufyan, al-Awza'i, Shafi'i, et les ashab al-Ra'i qui sont les ashab de Abu Hanifa. Maintenant, annahu yasihu, ce qui dit c'est correct, bi ghayri shuhud, sans témoin, Ahmed. Ahmad a une autre riwaya concernant cela. Wa Ibn Omar. Wa Al-Hassan Ibn Ali. Wa Ibn Zubayr. Wa Salim wa Hamza. Salim et Hamza sont les deux fils de Ibn Omar. Wa bihi qal Et c'est ce gars dit Abdullah ibn Idris, ou Abdurrahman ibn Mahdi, ou Yazid ibn Haroun, ou Al-Anbari, ou Abu Saur, ou Ibn Mundhir. Et c'est la parole de l'imam Douri, de l'imam Malik. Et ils ont conditionné en disant « Iza a'alenou » s'ils ont annoncé. Même s'il n'y a pas de témoins. S'ils ont annoncé. « Qala ibn Mundhir » Et l'imam ibn Mundhir maintenant, comme sa parole que nous avons rapportée, il a dit « La yasbutu fi shahidein fi nika khabar » Il dit « Aucune information ne vient de manière authentique concernant les deux témoins pour la validité d'un mariage. » وقال ابن عبد البر ابن عبد البر لدي وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي وشاهدين عدل il a rapporté ibn عبد البر ce hadith il n'y a pas de mariage qu'avec un tuteur ou deux témoins équitables min hadith ibn Abbas du hadith ibn Abbas et Abu Huraira wa ibn Umar illa sauf que ibn عبد البر dit ان في نقل ذلك ضعيفا ضعيف قال ابن منذر ابن منذر ابن avec la preuve قد اعتق النبي صلى الله عليه وسلم le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a libéré de l'esclavage Sophia n'est-ce pas فتزوجها بغير شهود il a marié sans témoin قال انس بن مالك رضي الله عنه Et Anas ibn Malik, dans une autre version, il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a acheté Sophia. Mais dans l'autre version, il a pris Sophia et puis il a demandé à Dihya de choisir d'autres esclaves. Voyez? Et les gens ne savaient pas est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a marié Sophia ou bien il n'a pas marié que par le hijab. Ça va? Donc ici, c'est muttafaqun alayhi. C'est un hadith qui est muttafaqun alayhi. Donc, fastadallu ala tazwijiha bil hijab. Ils ont argumenté par le fait que le prophète a marié Sophia, par le fait qu'il a porté le hijab. Wa qala Yazid ibn Haroun. Et Yazid ibn Haroun dit أمر الله بالإشهاد في البيع دون النكاح. Allah a ordonné le إشهاد, le témoignage dans le commerce, mais pas dans le mariage. Ça va? Qui va me donner ce dalil, ce verset dans Sourate Al-Baqarah? وأشهد إذا تبايعتم وأشهد إذا تبايعتم si vous faites le bay أشهد prenez des témoins voyez maintenant où est le témoignage pour les nikah il n'existe pas ce qui vient dans sourate Talaq وأشهد ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله هذا في الطلاق طيب ليس في النكاح pourquoi c'est في طلاق parce que la sourate même c'est quoi sourate voilà اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العده maintenant après il va dire واشهد ذوي عدل منكم واقيموا شهادة لله prenez deux personnes en témoignage pour dire que j'ai libéré telle femme طيب et ce n'est pas Comme le dit les savants, une condition que tu fasses asseoir les deux témoins forcés pour leur dire aujourd'hui, je divorce telle femme. Non, tu prends des témoins en disant je l'ai divorcé. Déjà que tu l'as divorcé, tu dis non, je vous prends un témoin. Zawaya Adni, pour ne pas que cela, parce que si tu ne prends pas de témoins, si c'est Masalantola Balbaï, c'est un divorce définitif. Et les gens suivent les patients. Il finit de divorcer la femme et puis il regrette maintenant. Hein? Mais s'il n'a pas pris deux témoins, il risque de glisser. Parce que c'est un divorce définitif. Il va laisser trouver des preuves, des dalils, des trucs pour dire non, Et puis il va aller toucher cette femme-là encore. Parce qu'il ne se retient pas. Mais s'il y a deux témoins, ces deux témoins vont dire, hey, voilà, fais attention. Tu as déjà divorcé, il faut laisser, elle va partir. Voyez? Non. Donc cela peut arriver. N'as-salallahu alayhi wa sallam. Donc ici, qu'est-ce qu'il dit ici, Yazid ibn Harun? C'est sa parole, on lisait, non? Il dit, Amar Allah ta'ala bil ishhari fil bayduna al-nika. Donc, passarato ashabu ray ashhada lil nika, walam yashtarituha il bay. Il dit, mais les ashabu ray, elles sont allées mettre conditions pour le nika, mais n'ont pas mis conditions pour le bay. C'est-à-dire, ils n'akasou. Ils ont renversé les choses parce que c'est les ashabu ray. Hein? Il veut faire rad ici sur cela. Donc, ووجه الأولى أنه قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا نكاح إلا بولي المرشد. C'est venu de cette manière. Il n'y a pas de nikah que par un wali qui est sur la bonne voie. وشاهدين عدل. Donc, c'est rapporté par Khalal dans son isnad, rapporté par Daraqutni de Aisha radiallahu ta'ala anha. Qui dit la Bouddha fin nikah min arba. Il faut pour le mariage impérativement quatre choses. Al-Wali, Wazawj, le tuteur, l'époux, Wazahidan et les deux témoins. Ça va? Donc cette riwaya aussi vient la kinla yassi. Ce n'est pas correct. Donc maintenant, d'autres sont allés à dire. Quant au mariage, comme le dit Ibn Qudama ici, il dit, Fanikahu Nabi Sassam Ghayr Wali, Ghayr Shuhud, le mariage du Prophète Sassam sans Wali ni Shuhud, Famin Khasa Isihi Finika. Ça fait partie de ce qui est spécifique au Prophète Sassam dans le mariage. Donc, on va pas, Fala Yala Hakubi Ghayr. On va pas prendre d'autres personnes pour dire que eux ils rentrent forcément l'État. As-Sahih. Hein? Ce qui est correct est que la parole d'Ibn Munzir, c'est une parole qu'il faut prendre en compte. Qui est quoi? Ijabu shuhud fi aqdi nikah ijabun fard. Rendre obligatoire les témoins, c'est-à-dire exiger les témoins et dire c'est obligatoire. Sans ça, le mariage n'est pas correct. Alors, ça a besoin de quoi? Dalil. Sahih. Ça va? Et ce dalil sahih, Yassif ou Inna Ba'd al-Ulama, certains savants trouvent que le hadith est authentique. Mais le hadith réellement a un problème. Parce que lorsque j'ai fait le bas, j'ai cherché, j'ai vu les paroles des ulama, des différents ulama sur le hadith. Quand tu as dit ziyada, que ce ziyada-là est daïf. Je soutenais la parole hier qui disait forcément deux témoins. Bada an raïtu zalika. Après avoir vu cela, je trouve que la parole correcte, c'est que les deux témoins sont afdol, mais ce n'est pas char pour Vénika. Pourquoi? Parce que pour eux, cela comme char pour Vénika, la Bouddha Yakuna Dalil, Khawiyyan. Ce n'est pas venu dans le Coran, ni dans la Sunna authentique, l'exigence de deux témoins. Ça va? De deux témoins, l'exigence de deux témoins, je répète bien. Ce n'est pas venu ni dans le Coran, ni dans la sunna, l'exigence de deux témoins d'une preuve authentique. Donc ça reste sur quoi? Al-Ibah, l'autorisation de le faire, même s'il n'y a pas deux témoins. Mais le Ilan, l'annonce d'établir à Tidema, pour ne pas qu'on t'accuse de Zina, c'est obligatoire. لأن هذا يتعلق بتبرئة الذمة parce que ça va sauver ton honneur. طيب maintenant quant aux hadiths qui ont été rapportés du mariage du prophète صلى الله عليه وسلم avec Aïcha sans qu'il n'y ait de témoins, il n'y a pas de preuve qui est venue de manière authentique venir dire ça. Et le mariage avec Sophia bint Huyay, sans qu'il n'y ait aussi de témoignages, ce sont des preuves qui sont correctes. Pour cela, Mokhassas au prophète la Bouddha, qu'on voit d'autres preuves qui montrent que les compagnons ont fait, les compagnons sont venus, et on dit que le prophète a exigé avec témoins. Est-ce que vous comprenez? Masalan, je vais vous donner un exemple. Masalan, il peut y avoir un acte où le prophète a interdit, mais lui-même il a fait. Donc en ce moment, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que ce qu'il a fait, c'est spécifique à lui, mais sa parole montre que c'est interdit pour nous. L'exemple du fait de marier jusqu'à 4 femmes. Soyez, lui-même il a marié combien? Il a marié plus de 4. Mais il nous a rendu obligatoire de nous limiter à Fankihu ma ta'ala lakum minan masna wa sulasa wa ruba. 4. Et lorsqu'il est arrivé, lorsque ce verset est descendu, tous ceux qui avaient plus de 4 femmes, il les a ordonné de les dégager parmi leurs femmes. Ceux qui peuvent garder 4 et puis divorce le reste. Hein? Donc, Hada, on voit que l'acte de dépasser 4 femmes est spécifique au professeur Arisel. Maintenant, ici, on va aussi sur le hadith de Ibn Omar concernant l'interdiction du prophète d'uriner en direction de la Qibla ou bien de donner le dos à la Qibla comme ça vient dans le hadith d'Abu Moussa al-Ash'ari. On va voir ici que le prophète a interdit de manière claire, mais Ibn Omar dit qu'il est monté sur le toit de sa grande sœur Hafsa qui est la femme du prophète et il a vu le prophète donner le dos à la Qibla en train d'uriner, alors qu'il a un interdit. Donc maintenant, les savants sont allés à dire que ce acte-là est spécifique à lui, mais ce qu'il a dit, c'est interdit pour nous. Donc pour qu'on vienne mettre cela dans ce même bab, il faut qu'on trouve un hadith venant des compagnons qui montre que le prophète a ordonné les deux témoins. Mais lui-même, il a marié sans deux témoins. Dans ce moment, on dira que ce acte est spécifique à lui, en dehors des autres. La femme, non? Vous comprenez? Jazakumullahu khair. Donc, ici maintenant, nous allons aller sur notre mas'ala. Nous allons aller sur notre mas'ala. Non, ceux qui veulent me poser la question en direct parmi les soeurs, et puis bon, je vois juste un message. Soyez. Et lorsqu'on va regarder, si on voit, on va répondre, Inch'Allah. Non. Donc ici, qawluhu illa an yakuna adilan. Illa an yakuna adilan. Sauf s'il est adilan. Ma mana adilan? Al-adlu man'u waliyyi al-mar'ata at-tazwij min kuf'i. Kuf'i. C'est-à-dire, comme on a dit, comme Allah dit dans sourate Baqara, c'est ça? وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْدُلُوهُنَّ. Ne les empêchez pas. Ici maintenant, quel masala on va traiter? Si le wali refuse de donner sa fille en mariage, ou bien celle qui est sous sa responsabilité, refuse de lui donner en mariage, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est cette masala que nous avons traitée ici. Il n'y a qu'un adil, sauf si le wali est adil. Là, on le délaisse. Il est adil, maman adil, yamna'u. Il empêche que sa fille, ou bien celle qui est sous son autorité, se marie avec une personne qui, le kufu wa al-musawi, wa afdol, celui qui est pareil à elle dans le comportement, ou bien qui est meilleur qu'elle. C'est ce qu'on a vu comme kufu ici. Tu as compris? Fa'idatan al-waliyu adilan. Si le wali refuse, ayyamna ul-mar'a at-tazwij min kuf'in, il empêche la femme de se marier avec quelqu'un qui est exemple, c'est-à-dire pareil à elle ou bien meilleur qu'elle, la yakunu lahu al-haqqu fi tazwijha. Il n'a plus le droit sur cette femme-là. Wa tarfa'u amraha lil qadi. Elle doit ramener maintenant son affaire. Cette femme doit ramener son affaire à l'autorité, au juge. Et c'est le juge qui va la donner en mariage. Wal'adlu muharram. Refuser de donner sa fille ou bien celle qui est sous sa tutorale en mariage est interdit. Le qawlillahi tabaraka wa ta'ala, à cause de la parole d'Allah, wa idha tallaqtumun nisa. Si vous divorcez les femmes, fabalaghna ajalahun, elles ont atteint leur délai et que l'homme veut reprendre. فَلَا تَعْدُلُوهُنَّ. Ne les empêchez pas, أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ, de remarier leurs époux, إِذَا تَرَضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ, si les deux sont d'accord. Ne dis pas non, que l'homme il a vraiment, la manière dont il t'a divorcé, c'est foutaise, on ne va plus te donner encore. لَا تَقُولَهَا. Tant que les deux, hein, les deux s'aiment, les deux veulent se mettre ensemble, un amouchkil en tout cas. Où est ton problème? Hein? Tu viens de faire tout ton beau discours. Nous, tu as vu la foutaise, il a fouté, la foutaise. Et puis ta fille, maintenant, après, elle te regarde et dit, papa, mais je l'aime. Qu'est-ce que tu as fait? Hein? Il y a des cas souvent, elle aime, oui, le wali en ce moment il regarde ce qu'est la maslaha pour la femme. Hein? Ce n'est pas une généralité, mais il regarde, toujours on regarde ce qu'est la maslaha, parce que le wali regarde l'intérêt de la femme. Mais le wali ne va pas se laisser emporter par sa colère et puis dit non, comme il n'est pas venu, parce qu'il y a d'autres, c'est comme ça. Comme il ne s'est pas déplacé pour venir, on ne va pas te donner. Non. Il peut ne pas se déplacer. Peut-être lui, il a son ego. Toi aussi, tu as ton ego. Peut-être ce que ta fille aussi a fait n'est pas bien. Ou bien. Donc, tu ne vas pas regarder tout cela. Non, à la cour de Hal, le adlou n'est pas permis. Ça va? Sauf s'il y a un intérêt derrière cela. Faïda'ad al-wali. Maintenant, si le wali refuse de donner sa fille, in taqa la wilaya tu ila man ba'da, la wilaya va revenir à celui qui vient après lui. Comme on a vu la chaîne ici. Parce qu'il est injuste. L'âme yassine l'amana, donc on va pas, il ne va pas préserver ici l'équité. À l'aide de Humila qu'on lui a confié. Si personne ne peut être wali de cette femme, on ramène vers l'autorité. C'est lui qui va la donner en mariage. Ça va? Vers l'autorité ou bien le juge dans un pays où on applique la charia. Ça va? Mais on va voir ici, dans une autre masala, que la femme elle-même peut choisir son wali. Non. Elle-même peut choisir quelqu'un. Ça va? Elle peut choisir quelqu'un qui va faire ce mariage pour elle. Ça va? Si jamais il n'y a pas quelqu'un qui peut prendre cette place et qu'on n'est pas dans un pays aussi où il y a le qadi. Cela peut arriver. Si elle est capable, elle peut trouver quelqu'un qui est une autorité musulmane, quelque part, et va lui demander d'être son wali. Ça va? Pour célébrer le mariage. Qawluhu aw ghayru muslim. Et sa parole, c'est-à-dire la parole de l'auteur ou bien celui qui n'est pas musulman. C'est-à-dire, la nikah illa bi wali, il n'y a pas de mariage qu'avec la présence d'un wali. Illa yakuna al-wali yu'adila. Sauf si le wali refuse aw yakuna al-wali ghayru muslim. Ou bien le wali n'est pas musulman. Fala yastahiqu al-wilayata fi hadhihi al-hal. Celui qui n'est pas musulman ne mérite pas la wilaya en ce moment. Il ne doit pas être wali. Li'annahu kama zakarna, comme nous avons mentionné, la wilayata lil kafir alal muslim. Le mécréant n'a pas de wilaya sur le musulman. C'est compris? Masalan ajma amatu ahli al-ilmi, comme a dit l'imam Ibn Mundhir dans son Al-Ijma, il dit, les savants, la majorité des savants sont unanimes que le mécréant ne peut pas être wali de sa fille musulmane. Non. Qala Allah Ta'ala, Allah dit, وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا. Allah ne va accorder aucune voie pour les mécréants sur les musulmans. Aucune voie. Moudaïa, c'est fermé, tout. Il ne peut pas être son wali, il ne peut pas hériter, ni rien. Kafir, kafir, muslim, muslim. Ils ne sont pas sur la même voie. Soyez. Au qawlou, et sa parole, wa yajuzu li kulli wahidin min az-zawjayn. Il est permis pour chacun d'entre les deux époux, an yuwakkila li aqdin nikahi wa law wahid. Les deux époux peuvent charger quelqu'un pour conclure leur mariage, même si c'est une personne. Ils tombent d'accord, même si c'est une personne sur laquelle ils tombent d'accord, ils disent, telle personne peut célébrer notre mariage, peut faire le acte. Ça va? At-tawkil, dans la langue arabe, ça veut dire confier, et tafouid, ça veut dire mandater. Ça va? Wastilahan, dans l'istilah, c'est istinabatu, délégation, ja'izitasarruf, de celui qui mérite cette action. Mislahu, il donne à quelqu'un qui est pareil à lui. Fima tadukhuluhu an-niyaba, dans ce qui rentre le remplacement. Kanika et masalan, comme le mariage, par exemple. Ça va? Kantakulu li zaydi minannas, comme tu peux dire à une personne, je te délègue de me marier. Aïe, an, abnaïtuka, anni. C'est-à-dire, je te mandate, kaytuzawidini, pour que tu me maries. Wa tawkil, le akdi nika jaïs. C'est-à-dire, confier à quelqu'un, pour faire le acte, c'est permis. Falil mar'a, la femme par exemple, aïdon, takoulou li chak simma. Elle dit à une personne, wa kal tuka antuzawidini. Je te confie, je te mandate de me marier à quelqu'un. Ça va? Fayuzawidouha, et la marie. Ça va? Non? Masalan, si les parents refusent de la donner en mariage, ça va? Ils refusent de la donner en mariage pour des arguments qui ne tiennent pas. Non, je fais des arguments qui ne tiennent pas. Non, je fais des arguments qui ne tiennent pas. Non, si c'est les arguments qui tiennent là et 12 là, ne leur pas permis de délaisser la parole de ses parents. Non, jamais. Je dis bien si c'est les arguments qui ne tiennent pas. Et on voit ça généralement souvent avec des sœurs qui ont compris le dîme et qui ont des parents qui n'ont rien compris. Après, ses parents veulent masalam qu'elle se marie avec quelqu'un qui n'a rien compris dans la religion. Et dans ce cas, cette personne n'est pas le koufou de cette femme. Le koufou, on a dit quoi? Celui qui est pareil à elle dans le dîme ou bien meilleur qu'elle. Pas celui qui va venir la faire régresser parce que la religion de la femme est dans la main de l'homme. Voyez. Donc si par exemple ses parents lui disent non, on ne veut pas que tu maries un sunni, tu dois marier, nous là on est tidjanites, on est né tidjanites, nos grands-pères étaient tidjanites. Donc, tu vas rester dans cette famille. Donc à ce moment, on prend des gens qui peuvent raisonner les parents. S'ils ne veulent pas comprendre, alors on peut faire son mariage sans qu'eux-mêmes ne soient au courant. Charan. Est-ce que vous comprenez? Non. Ça, c'est pas un argument. Non, c'est pas un argument aussi. C'est un argument qui ne tient pas. D'abord, même Masalan. Ici, le fait même de la laisser aller dans l'école, et vous connaissez déjà les mentalités qui se trouvent dans les écoles aujourd'hui. C'est la perversité, autre, mixité, autre. D'abord, même ce makan même est haram pour elle. Et maintenant, ils vont exiger que elle fasse ça d'abord, avant de se marier. Alors qu'elle a besoin du mariage pour préserver sa chasteté et rester dans l'adoration de son Seigneur. Dans ce cas, ce n'est pas un argument. Ce n'est pas un argument. Ça va? Et s'il n'envoie pas d'argument qui tient à ce niveau, l'islam autorise. Parce que l'islam regarde toujours l'intérêt de la personne elle-même. Précéder l'intérêt, je viens. Précéder l'intérêt de la personne elle-même, c'est ce que l'islam avance. Est-ce que vous comprenez? Masalan, elle va aller à l'école, elle va avoir son bac. Ça, c'est l'intérêt des parents. Sinon, s'il dit non, c'est pour elle-même son intérêt. Bon, elle-même, elle dit elle veut se marier. Voilà son intérêt. Ou bien? Non, c'est pour qu'elle soit quelqu'un d'aimé. Est-ce que sa religion lui permet de faire ça? Donc, est-ce son intérêt où? Dans le mariage. Donc, en ce moment, elle peut choisir quelqu'un qui va raisonner, ou bien si la personne. S'ils ne veulent pas comprendre, alors là, Ishkal, qu'on fasse son mariage sans même informer même ses parents. Là, c'est pas une condition. Ce n'est pas pour révolter les gens ou bien quelque chose comme ça, mais c'est ce que la charia a dit qu'on dit. Est-ce que vous avez compris? Non. Ici, la femme peut faire le tawkil à quelqu'un. Si jamais ses parents ne veulent pas. Ses parents apportent des arguments. Bon, comme tu as posé la question, les arguments qui tiennent, par exemple, si le papa il dit que je ne peux pas donner ma fille parce que il y a quelqu'un qui est plus pieux que toi, ou bien quelqu'un que j'ai choisi qui a un bon comportement, que moi en tout cas je vois, il a les caractéristiques de la religion, c'est celui-là à qui j'ai promis ma fille. Ça c'est un dalil qui tient. Ok? Ça c'est une preuve qui tient. Mais s'il vient avec les... Elle doit aller à l'école, elle doit avoir son diplôme, elle doit faire l'université, elle doit faire ceci, elle doit faire cela. Et attendez d'abord 2 ans. Et il y a des parents, subhanallah, qui peuvent leur dire, non, vous pouvez causer, vous pouvez faire tous vos trucs. Mais 2 ans, et vous allez vous marier. Subhanallah. Hein? Et des parents aussi, quand ils vont vers eux, ils disent, bon, moi, nous, on n'accepte pas le mariage, mais nous, on accepte que vous allez dans le concubinage. Regardez. Ah, il y a 12 ans, là, il y a 12. C'est pas permis. Mais, il faut comprendre que ce que la charia a dit, c'est ce que la charia a dit. On ne va pas. Là, on est à Dahar. Vous avez compris? Les preuves qui tiennent sont les preuves qui tiennent. On va terminer cela. ويجوز لكل واحد من الزوجين. Il est permis à chacun d'entre les deux époux, yani al-dhakar wal-unsa, l'homme et la femme, an yuwakkila li'aqdi nikah man yaquma maqamahu fil 'aqd, de charger une personne pour son mariage, celui qui peut s'arrêter à sa place, c'est-à-dire à la place du wali pour le nikah. Wa law wakkala az-zawj wa wakkala al-mar'a shakhsan wahida, si l'homme il a confié à une personne et la femme aussi a confié à une la même personne. فَكَانَ الْمُوَكَّلُ مِنَ الطَّرَفَيْنِ شَخْصًا وَاحِدًا جَاز. Celui qu'ils ont chargé, c'est une seule personne, c'est permis. فَيَكُونُ هُوَ نَفْسُهُ مُوَكِّلًا عَنِ الرَّجُلِ وَعَنِ الْمَرْأَةِ. Donc cette personne va être celui qui est chargé de l'homme et puis de la femme pour célébrer le mariage. دَلِيلُهُ, la preuve de cela, c'est la hadith de Uqba ibn Amir, qui est rapporté par l'imam Abu Daoud. Anna Nabi sallallahu alayhi wa sallam qala li rajul, il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit à un homme, atarda an uzawwijaka fulana, veux-tu que je te donne en mariage une telle? Qala na'am. La personne il a dit oui. Wa qala li mar'a, il a dit à la femme, atardaina an uzawwijuki fulana, veux-tu que je te donne en mariage à telle personne? Qala na'am. Et la femme a dit oui. C'est-à-dire, l'homme a donné son accord. Et la femme a donné son accord. Fazawaja ahaduma sahiba. Il les a mariés entre eux. Aizawaja nabi sallallahu alayhi wa sallam mar'a li rajul. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné la femme à l'homme. Et ils ont fait le mariage. Voyez. Donc, la masala du mariage en islam, c'est une masala qui est très très facile. Ça, le jiddan. Et ce qui est connu aujourd'hui, ce que les gens font aujourd'hui, c'est le fait de annoncer mariage, rassembler les gens, aller faire, c'est des choses que les gens ils font, mais là, Dalila, il n'y a pas de preuve sur ça. Il n'y a pas de preuve. Annoncer un mois, on fait les affiches, on balance partout. Hein? On fait souvent des uniformes. Non, les salafis font pas ça. Mais les salafis font les affiches. Hein? Combien? On a vu pour d'autres ici. Non, c'est pas attachement. Hein? Mais c'est quand même un petit attachement. Mais ici, donc ça va mettre ça dans Al-Mubaha, des choses qui sont fermées. Vous comprenez? Mais il n'y a pas de preuves dessus. Et puis aussi, le fait de faire le acte de Nika forcément dans les masajids, cela aussi n'a pas de fondement. Dit forcément, parce qu'il y a certaines personnes, dans leur entendement, le mariage ne peut se faire qu'à la mosquée. Pourtant, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, certaines personnes se sont mariées et le lendemain, ils sont venus informer le professeur. Hein? À Médine, il y avait combien de mosquées? C'est un masjid de Rasulullah. Et puis, quelque part, il y avait un masjid de Kouba. Mais, les compagnons célébraient le mariage où? A Rasul sallallahu alayhi wa sallam a fait le mariage de Aïcha où? Sophia où? Zainab bint Jahsh où? Les autres compagnons ont fait le mariage où? C'était pas dans la mosquée. Voyez, tu vas chez le wali, tu lui dis, je suis venu voir, je veux ta fille. Lui, c'est l'homme lui-même qui s'en va, l'homme. Mais chez nous ici, là, c'est t'as gros qu'un. C'est que toi, tu te déplaces et toi, tu viens demander moi ma fille directement. Allez, t'es mort au tas. Tu prends pas certaines personnes pour venir. C'est-à-dire, c'est toi-même qui viens. Pourtant, islamiquement, c'est lui-même. C'est lui-même qui veut cette dernière qui se déplace. Il va voir le wali qui dit, ah, j'ai vu un bon élément chez toi ici. Hein? J'ai vu un bon élément chez toi ici. Et puis, tu dois faire le wasf. Quel élément? Faut pas dire, j'ai vu un bon élément et puis c'est fini. Parce qu'il peut avoir beaucoup de filles. Il faut préciser. Ça va? Donc, à ce moment, lui, maintenant, regardez, Tariqat al-Islam. Lui, s'il te connaît déjà, s'il te connaît déjà et il connaît ton comportement, est-ce qu'il a besoin de vérifier? Il n'a pas besoin de vérifier. Et il voit avec sa fille, si sa fille est directement d'accord sur le même majlis, tu te retournes avec ta femme. Oui. Non. Même si tu n'as pas de dot, on te donne dot à crédit. Tu payes à crédit. Ça va? Adam Roussan, c'est facile en islam. Est-ce que vous comprenez? Mais tellement les gens ont rendu compliqué et on est venu ressembler aux gens du livre dans cela. Les gens du livre, les chrétiens, ils voient le mariage comme la chose la plus compliquée. Tu peux le voir, ils vont vivre ensemble pendant plus de 20 ans avant de décider de se marier. Hein? D'autres même, c'est juste avant leur mort qu'ils vont se marier. Pourquoi? Parce qu'ils voient le mariage comme un taklif pas possible, une charge pas possible. Et pourtant, ils vivent déjà ensemble. Mais il y a beaucoup de choses, parce que le mariage qu'ils considèrent, c'est le mariage de la mairie. Il y aura communauté de biens. Il y aura tout ça là. Donc il faut se, d'après eux, il faut se rassurer de la personne qui est devant moi, si elle n'est pas opportuniste, si elle n'est pas venue pour me blaguer, et puis quand j'ai fait le mariage, et quand il y aura divorce, ils vont diviser mon argent pour lui donner. Il y a tout ça là, il y a tous ces calculs là. Est-ce que vous comprenez? Mais il faut comprendre que les musulmans aujourd'hui, comme quand les Nabi sera célèbre, ils ont imité les gens du livre. La tête bien, mais ça n'a pas de Ablakoum. Ils les ont invités où ça? Par le fait de rendre le mariage compliqué. Tu vas trouver une personne qui va faire économie de 2 ans juste pour pouvoir se marier. Juste pour pouvoir se marier. Bon, si cette personne maintenant il fait la zina, il va tomber dans la zina. On ne va rendre plus de le mariage facile. Pour que les gens se marient. Au temps du professeur Al-Islam, des gens n'avaient rien. Le professeur Al-Islam les a donné une femme en mariage. Regardez la femme qui est venue voir le professeur Al-Islam, Zawijni. Il a regardé la femme, il n'a pas parlé. Il y a un compagnon qui dit, moi je la veux. Il dit, qu'est-ce que tu as? Même bague en fer, il n'avait pas. Bague en fer, il n'avait pas. Et le professeur Azam l'a donné en mariage pour qu'il enseigne quelque chose du Coran. Il n'avait rien. Mais il s'est marié. Sur le champ. Mais les musulmans aujourd'hui, où sommes-nous? Des masses de mariage même d'abord. Non. Tu as l'impression que c'est une guerre qu'on est en train de préparer. On doit acheter les armes, on doit tout mettre en truc. Hein? L'argent. Hein? Pour nous. C'est-à-dire que pour que toute la famille accepte d'abord, on va se taper d'abord 1 an. Il y a un homme qui est quelque part là-bas, lui doit venir. Si lui vient, on doit avoir son accord. Si lui finit de donner son accord, lui met des réserves. Il doit rencontrer le jeune. Il y a un cousin. Lui, on doit le faire. Le jeune doit le rencontrer d'abord. Avant qu'on va accepter. Donc, tout ça là, Mahara, qu'est-ce que c'est? Allah et les musulmans ont délaissé les principes de leur religion. Tarakna, on a délaissé carrément. Et tu ne trouveras pas une communauté qui va faire ce mariage de la manière que je viens de dire tout à l'heure. Un mariage simple de cette manière. D'autres mais vont voir comme argument si tu lui donnes simplement, il ne va pas connaître d'importance. Donc il faut qu'il voit Kumbali. Tu chauffes sa tête d'abord avant de lui donner. Ou bien ah. Donc essayez de faire des trucs simples. Comme vous avez compris là. Il y a les mouhidines qui sont là. Non. La parole d'Allah, il y a qu'on nous fera yugnir Allah min fadli. Il m'a dit au sujet ou ankihu l'ayama, marier les femmes. Et s'ils sont pauvres, Allah va les s'enrichir. Ils mettent cela où? Hein? Tout ça, c'est des ta'wilat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à la cour des hal, il faudrait qu'on fasse comprendre quelque chose. L'homme qui est l'homme, qui sort pour chercher quelque chose, qui fait les efforts pour chercher le risque, même s'il n'a pas, il n'a qu'à se marier, Allah va lui faciliter. Mais on ne parle pas du paresseux, qui ne veut rien faire, qui est là, qui tourne de mosquée en mosquée, comme les tabliques. Ou bien soit, qui est là, qui est fainéant, qui compte sur sa femme. Parce qu'il y a des hommes aujourd'hui, c'est eux, ils sont femmes, les femmes sont les hommes. Donc, on ne parle pas de ceux-là. On parle de celui qui fait les efforts, mais qui n'a pas les moyens. On ne va pas lui dire, il ne faut pas te marier. Allah va lui accorder la suffisance, Inch'Allah. Voilà. Parce que si on met cela comme une barrière, c'est des personnes qui ont tellement peur. Hein? D'abord, même quand il est célibataire, c'est qu'il dépense même. Hein, ce qui dépense, même le marié ne dépense pas ça. Oui? Il dépense trop. Mais regardez, prenez l'exemple. Il est chaque fois au pressing. Il est chaque fois au kiosque. Chez Diallo. Il est chaque fois au garbadron. Tout ça là, c'est dépense. Ou bien, mais si c'est mari, hein, Allah va lui faciliter. La femme vient avec son risque. Hein? Non, on va s'arrêter ici. Mohamed. Une soeur a perdu son papa récemment. Mais elle n'a pas eu un frère. Elle a eu des soeurs. Non. C'est déjà le Karak. Mais son père, les cousins, elle est déjà le Karak. Son papa a des frères ou même des cousins. Des cousins ou même des frères. Des cousins avec des frères aussi qui sont là. C'est frères directs. Oui, ceux-là, ils peuvent être son mari. Voilà. Si elle a un enfant, l'enfant aussi peut être son mari. Hein? Non, une femme ne peut pas être wali. Qu'Allah facilite. Qu'Allah vous préserve. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi.